Ah, maintenant, avant de continuer avec nos numéros 1, c'est tout ce qui nous reste d'ailleurs, ben, c'est les instants classiques d'Assemblage Requis. Voici les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 12 mars 2012. Ouais, je vous souhaite de passer une belle petite émission. Un bel petit émission, guili-guili, en dessous du cou. Hein? François me demandait si c'était un nouvel album. Non. On épuise vraiment celui-là. Ouais. On le tord. Là, comme... On sent le jus. Je le ferai pas vraiment avec. S'il te plaît. De toute façon, sortir le jus le matin à 7h15 comme blague. Là. Hein? Parlant de tordre le show jusqu'à ce que le jus sort. Non, joke de trocker, ça marcherait pas vraiment pour Kiwan non plus. Hein, parce que ça peut déplacer. Ouais, non. Bien, j'ai des bons ones, etc. Non. Kiwan, bonjour, ça va bien? Oui, bonjour. Ben, j'adore ça, les blagues de tordage de jus de camionneur. Ouais, c'est ça. Hein, en tout cas, ah, ben, ce que je voulais dire, c'était un camionneur qui arriverait à la fin, à la maison, à la fin de la journée, puis qui tordrait sa casquette parce qu'il a beaucoup sué. C'est un peu ça que je voulais dire. Tu comprends le genre? Ben, bravo pour l'effort, pour avoir essayé de te rattraper. Très bien essayé. Fanny Blum et la pièce parfait dans Assemblage Requis à 8h32 en ce lundi matin. Il aurait pu appeler cette pièce-là François Olivier hein, pour je suis un peu parfait. Beaucoup de réactions. En tout cas, je suscite un débat. Ouais, ben, peut-être pas, non? Si tu comprends pas, François, tu comprends pas notre point. Là. C'est pas ça. Ça était quand même relax cette chanson. Ouais, quand même. Pas pire. Des fois, je peux te gâter un peu. Ben là. Tu me gâtes en m'offrant du chip-tou. T'acceptes jamais rien de ce que je fais. Breastfeeders. On aime ça. Moi aussi, je peux faire les bruits d'animaux. Oh, ouais, t'es capable. Aou. Aou. C'est quoi ça? C'est pour. Un loup. Un loup? Comme ton chalet. Mon chalet, il n'y a pas un loup, il y a un Mario Bros. Ici même, dans ces bâtiments-là. Là. Où est-ce qu'on l'est? Baptiste, ce qu'on appelle les baptistes. Hein? Les baptistes, c'est un sac, ça? Oh ouais, si on veut. Il y en a qui disent ça. Faut juger les gens par rapport à leur jugeron, là. Ben non, toi, on fait jamais ça. Tabarouette. Non, je le dis plus. Est-ce que t'en as trouvé un autre? Patarnac. Wow, hein? C'est quand même violent. Oh oui, et pas très subtil non. comme déformation, mais bon. Non, mais je le dis plus, c'est ça, dans ma vie personnelle. OK. Patarnac! Non? Patarnac, Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit si on retourne en musique pour les dernières minutes qui nous restent. Allons-y! Hey, Kim, ça a l'air de mieux. Ça a l'air de mieux aller que moi. Moi, je m'enferme dans mes mots, toi, tu t'étouffes. On fait un duo de l'enfer ce matin, François. Roumi Paul. J'ai fait faire ton roi matin et on est correct. Ouais, ça va mieux. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Cifou, vous écoutez Assemblage Requis et vous aimez ça. C'est quoi le nom de l'émission déjà? Attends. C'est juste au bout de la langue. Là. Assemblage Requis par la voix de la jolie voix de la fille qui fait vos... Une chance qu'on a ça, hein, parce que Danny était bien fin, bien viril et tout, mais... Mike, c'est charme. On remercie Gabriel, stagiaire. Oui, merci beaucoup. Ben, merci. Très heureux de t'avoir reçu toute la semaine et on espère te revoir à un moment donné. C'est sûr que tu seras rendu à l'université. Là. Quand vous voulez. Ben, c'est le nouvel album, ça, qui vient de sortir. Ouais. C'est bon. Ah oui, je dois l'écouter très, très bientôt. T'es écœurant. L'album qui s'appelle évidemment Little Mountain. Je dis évidemment parce que ça m'a donné le temps de prendre mon gelé dans ma main. C'est, tu vois, c'est, en radio, c'est ce qu'on fait. C'est comme subtil, aucune transparence nécessaire. Je prends note. Que je fais pas ça seulement au palmarès, hein, Jasmine? Tout le temps. Je montrais des choses à notre stagiaire, là, comment se sortir d'un pétrin que t'as créé de toutes pièces par toi-même, tu sais? Ah oui, c'est mains. Vrai, il y avait un stagiaire. C'est vrai? C'est vrai. C'est pour ça que j'avais le stagiaire. Ouais, donc les meilleurs moments d'Assemblage Requis, c'est évidemment ben, du lundi au jeudi entre 7h et 9h. C'est composé de meilleurs moments du début à la fin, ça. Avec François-Louis Marchand et moi-même, Mathieu Plante, allez voir sur assemblagerequis.com pour télécharger les balados diffusion de nos émissions.